complètement fou, complètement barge, complètement la tête à l'envers. She drives me crazy, les Fine Young Cannibals, sur Fun Radio, la meilleure, et Captain Transistor. Et toujours là, bienvenue à bord, si vous venez de nous rejoindre, bon appétit, soyez prudents sur la route, bon week-end et tout, enfin comme d'habitude, quoi que le soleil brille, même s'il ne brille pas tout à fait partout, et que vous gardiez le sourire, attention, vous appelez tout de suite Sergent Yo-Yo au 47 22 5000, eh bah oui, 00331 pour la Belgique, 16-1 pour nos amis de province, la Dédiphone, c'est peut-être vous en direct sur l'antenne de Fun Radio dans quelques instants. Fun Boutique, les meilleurs achats. De chez vous, sans bouger, commandez vos prochaines vacances en Andalousie. 47 30 33 33, c'est le numéro de téléphone que vous devez composer pour réserver votre voyage soleil en Andalousie à Almeria du 6 au 13 juin en pension complète dans un hôtel 3 étoiles au prix Fun Boutique de 2500 francs, payable par chèque ou carte bancaire. Un simple coup de fil au 47 30 33 33, 16 1 47 30 33 33 pour la province et vous êtes déjà parti. Une affaire Fun Radio. Fun Boutique, les meilleurs achats. Du 11 au 21 mai, Fun Radio est à Cannes. Pour lever le voile sur l'étoile et s'envoler dans le monde des étoiles, suivez Marc Mallory, le paparazzi Fun Radio, toujours à l'affût de l'éco-cotier. Du lundi au samedi à 12h30 et 17h30 et le dimanche à 12h30 et 18h30 sur Fun Radio. En direct du Palais des Festivals, vivez au rythme de la plus prestigieuse compétition du cinéma international avec l'équipe des reporters de Fun Radio. Fun Radio 102 FM, attention ce week-end sportif, le 9e tournoi international de football minime de plaisir aura lieu, c'est dans les Yvelines, le 13, 14 et lundi 15 mai avec l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, le Nîmes Olympique, une équipe anglaise, une équipe belge, deux équipes danoises, lundi 15 mai, avant la finale du tournoi à 16h45, il y aura un match de gala de football américain avec les Crazy Lions et les Jets de Saint-Cloud. Jackie écoute Fun Radio à Perpignan, elle envoie une Dédiphone à tous les auditeurs de Fun ainsi qu'à toute l'équipe de Fun Radio, c'est bien sûr la meilleure radio et nous on retrouve Aurore à Perpignan. Bonjour Aurore. Aurore. Ah ça y est, Aurore, dis-moi bonjour. Bonjour capitaine. Ça va Aurore? Ouais ça va et toi? Ouais t'as l'air en forme là hein. Ouais ça va, le soleil y est alors ça va. Ouais, tu tu m'appelles de Perpignan, c'est ça? Ouais, j'appelle de Perpignan. Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Et je vais manger des frites et un steak. Un steak et puis des frites et une fois, hein, dis-moi. Alors, tu vas à la plage, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, en principe, je devrais aller à la plage cet après-midi, mais on verra si c'est soleillé. Bon, d'accord. S'il y a le soleil, est-ce que t'emmènes ton petit poste de radio? Bien sûr. Évidemment, hein. C'est obligé. Qu'est-ce que tu as choisi pour ta téléphone? J'ai choisi. Oh. Oui. C'est ça que t'as choisi. Bernard Lavilliers. Ah, Bernard Lavilliers, voilà. Alors, je dédie ce disque à l'envin, à l'homme que j'aime le plus au monde, et à Fun Radio, la meilleure des radios. Fun Radio, les meilleurs auditeurs. Je vais te chanter ce que je peux pas te dire. Écrire ondes. Le deuxième, il planta une antenne. Le troisième jour, il inventa le micro. Et le quatrième, il brancha le courant. Le cinquième jour, il trouva Fun Radio. Et le week-end, il se reposa avec Captain Transistor. Avec leur nouveau 45 tours Ordinary Lives, le son laser sur Fun Radio, la meilleure musique, le meilleur week-end, la meilleure radio, etc. Captain Transistor, ça va vous? Vous êtes à table? Bon app. Soyez prudents sur la route, attention, si vous avez un Minitel, non seulement vous pouvez me rejoindre en direct sur la messagerie, mais tout à l'heure entre 13h et 14h, il y aura une cassette vidéo à gagner sur le 3615 code Fun. Et tout de suite, et en permanence d'ailleurs, si vous avez envie par exemple de gagner une chaîne stéréo complète, 3615 code Fun, vous jouez au poker et c'est très simple. On fait comme ça, restez avec nous à 13h dans quelques instants. Renault, Bonnie M qui était classé 3e la semaine dernière dans le Top Fun que vous retrouverez tout à l'heure à 16h avec Bill Codebar. Et une nouveauté, le dernier 45 tours de David Hallyday. Pour m'infiltrer dans sa vidéothèque, j'avais besoin d'une bonne couverture. Par chance, comme pour tous les films qui passent à la télé, j'avais une jaquette sur mesure dans TV Vidéo Jaquette. Ce truc-là, y a pas à dire. Ça vous emballe un enregistrement et pour le classement, c'est au poil. Le soir même, ma cassette s'affichait plein cadre au rayon policier. La fiche du film devant, la fiche technique dans le dos. Une affaire classée TV Vidéo Jaquette. TV Vidéo Jaquette, les jaquettes indispensables pour classer vos enregistrements. Tous les mois, chez votre marchand de journaux. Alors soyez sympa, faites un geste pour vos cassettes. J'aimerais tant trouver un homme gentil et sympa surtout. Je suis si triste, si seule. Mais toutes mes copines m'ont dit, nous on tape 3615 Niagara. Je leur ai dit 3615 Niagara, c'est quoi? Elles m'ont répondu, tape 3615 Niagara et tu verras. Et là j'ai vu des dizaines de femmes, même en pleine nuit, en train de trouver l'homme de leur vie. Bon, j'y vais. Viens vite me dire des choses sur toi sur 3615 code Niagara. Bisous, j'y vais. Attention, dès maintenant, gagner des abonnements au journal The Key en tapant tout simplement 3615 code Niagara, vous les demandez à Ariane. Fun Radio. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Entrez, bienvenue à la brasserie Victor. Faites le premier pas, vous ne le regretterez pas. Dans ces brasseries Victor, quand la fin vous jette en... confier votre faim au garçon de la brasserie Victor. Au cœur de la nuit parisienne, entre le Palace et les Folies Bergères, faites étape autour d'un monumental plateau de fruits de mer, ou si vous préférez, un homard thermidor, un coco Riesling. C'est bon, c'est frais, c'est gourmand. Bref, quand la faim vous jette un sort, pensez... Brasserie Victor. 12 rue du Faubourg-Montmartre, téléphone 47 70 62 39. Régimagine installe sa télévision au centre commercial des 4 temps de la Défense. Venez jouer et gagner une voiture, des meubles, des tapis, des luminaires, des produits de bricolage, des vêtements. Gagnez 1,5 million de cadeaux à la télévision des 4 temps de la Défense du 16 mai au 17 juillet. Les étudiants du magistère d'économie industrielle de l'Université de Paris 13 organisent pour le compte de la Fédération des magistères, écoutez bien, la nuit des magistères. Samedi 13 mai, Fun Radio et les magistères voient grand. Dès 21h30, soirée prestigieuse à la discothèque Les Étoiles. 61 rue du Château d'Eau, métro Château d'Eau. Réservation au 43 60 84 85. La chaleur de l'Afrique, l'exotisme des rythmes les plus chauds. Mucaline, le 26 mai au Zénith, de 19h à 1h du matin. Venez vibrer avec Fun Radio sur les musiques les plus exotiques. Magnifique ça! Burning Spear, Zouk Machine, Bembeya, Jazz National, Jimmy Oidi, Sakio, Les Assassins. 6 heures de musique, trop câline. Le 26 mai au Zénith, à partir de 19h. Et c'est avec Fun Radio. Nuit câline, le 26 mai au Zénith. Yes. Location, Blue Moon, Maison des Antilles. Tu vois, vieux, le week-end dernier, avec ma copine, on a fait Toulouse, Marseille, la Haute-Savoie, en remontant par Bordeaux. Allô, docteur, mon camarade est fou. Il raconte qu'il a traversé la France pendant le week-end, mais c'est pas possible, il a pas de voiture. Dis donc, vieux, Dergi Location, ça te dit quelque chose? Non. Alors écoute-moi bien, Dergi Location, c'est simplissime. Tu prends ta voiture dès 15h le vendredi. Tout le week-end, tu sillonnes la France en musique pour 505 francs seulement. En plus, Dergi Location joint l'utile à l'agréable. Si tu déménages, ne cherche plus une camionnette t'attend avec couverture pour les meubles fragiles chez Dergi Location, 60 boulevard Saint-Marcel, Paris 5e, 45 87 27 04. Parmi ces messages, si vous n'avez pas eu le temps de noter le téléphone, l'adresse ou l'information qui vous intéressait, alors consultez le 36 65 57 57. 36 65 57 57. Et la sœur dit au frère, tu baises mieux que papa. Et le frère... Il est 13h, bon week-end. Elle est là, chef, j'ai trouvé, ouais. Fun Radio d'abord, Captain Transistor, d'accord. Ben tu vois, même moi, j'ai craqué, j'ai glissé quelquefois. À guicheuse me laisse froid. Même moi, qu'est-ce tu crois? Je suis un ange, ça me démange pas un peu. Déteste-moi, mon amour. J'aimerais ça, pas toujours, mais un peu. Mais me jette pas. Je suis consigné chez toi. Me jette pas. Ou jette-toi avec moi. maintenant, écoutez ce rythme. Fun Radio. By the rivers of the rivers of toujours de haut en bas. Moi à vouloir toi. Remarquez, ça tombe bien. 13h15, c'est l'heure du dessert. Qu'est-ce que tu prends, chérie? Moi, je te prends toi tout en entier. Ah. D'ailleurs, tiens, en parlant de désir et tout, il y a une Daily Fun qui vient de tomber sur Minitel. Il s'appelle Christophe. Il écoute Fun Radio à Boura. Il envoie sa dédiphone à Stéphanie. J'espère au revoir, gros bisous. Enfin, je pense qu'en fait, il espère revoir Stéphanie. Voilà, ça y est, je commence à comprendre. Fun, je te désire comme une grosse glace à la vanille. Moi, vouloir toi. Christophe, merci. Et puis, si vous avez vous aussi des dédiphones à faire, 3615 code Fun sur Minitel. Ne vous gênez surtout pas. Le groupe pop anglais par excellence, Wet Wet Wet, et les Beach Boys sur Fun Radio. Bon week-end et profitez bien du soleil s'il y en a vers chez vous. Prochaine Daily Fun au téléphone à 13h40 sur l'antenne en direct de Fun Radio. partout sur votre petit corps allongé au chaud sous le soleil qui vous darde de ses ardents et brûlants rayons, n'est-ce pas? Il y a des heures où je deviens un poète comme ça. Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Vous êtes sur Fun Radio, la meilleure radio, Captain Transistor. Bienvenue à bord si vous venez de nous rejoindre. Bon appétit si vous êtes à table. Bon week-end et bon courage à tous ceux qui travaillent cet après-midi en écoutant Fun Radio. Nous sommes avec vous et gardez le sourire. Dans quelques instants sur Fun Radio, Womack & Womack avec Celebrate the World, leur nouveau 45 tours. Womack & Womack qui était classé la semaine dernière, mais c'était quand même il y a longtemps, la semaine dernière, 14e dans le Top Fun. N'oubliez pas que vous serez tous sur le Top Fun à partir de 16h avec le célèbre Bill Cotbar, ou ça sur Fun Radio bien sûr. Studio Magazine, spécial festival de Cannes, vient de paraître. Meryl Streep en couverture accorde à Studio la plus longue interview de sa carrière. Découvrez la femme drôle et attachante qui se cache derrière la star. Meryl Streep à Cannes, un des événements de ce festival plein d'acteurs. Mickey Rourke, Anastasia Kinski, Michel Blanc, Carole Bouquet, Josiane Balasco, Béatrice Dalle, Philippe Noiret. Et dans Studio Spécial Cannes, tous les films en compétition et les 100 personnalités les plus en vue du festival. Studio Magazine, avec Meryl Streep en couverture, la passion du cinéma. J'en ai marre, je suis énervée, j'ai mal, très mal. Mais pourquoi ma puce? J'ai le mal d'amour, c'est dur. Je ne trouverai jamais un homme comme je désire. Allons, te laisse pas aller, je sais où ils sont, moi. Bon, écoute-moi, tous les jours, à toute heure, sur 3615 Cécile. Oui, note bien, sur 3615 Cécile, des hommes et des femmes font... Continue, dis-moi ce qu'il fait. Eh bien, des dialogues sympas, sensuels et des rencontres rapides. Je veux tout savoir. 3615 Cécile, l'amour, c'est pour toutes les filles. Perds pas de temps. Fun Radio. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Entrez, bienvenue à la brasserie Victor.